Eh bien, comprendre la mort sans souffrance. J'en souffre déjà. Oui, mais toi, ça m'étonne pas avec le karma que t'as. En tout cas, faites-moi pas un karma, là. Alors, pourquoi souffre-t-on de la mort? Et pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas en souffrir? Il y a plusieurs questions qu'on peut poser. Comment comprendre la mort? Est-ce que c'est nécessaire de mourir? Est-ce que c'est réellement une mort en ce sens, disparition totale? Est-ce que c'est nécessaire de souffrir? Est-ce que c'est utile à la personne qui meurt, la souffrance de ceux qui restent? Est-ce que c'est utile la souffrance de ceux qui restent, tout simplement? Plusieurs questions qu'on peut poser. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont perdu des personnes proches. J'ai travaillé évidemment avec des personnes qui mouraient et des personnes qui étaient dans l'arrêt cardiaque qu'on a réanimées. Bon. La mort est une condition essentielle à la vie. Lorsqu'un être vit, évidemment, il est assujetti à la mort. C'est le prix que l'être humain paye. C'est le prix d'ailleurs que la vie fait payer à ceux qui se servent d'elle. C'est qu'à un moment donné, la vie est reprise. Maintenant, est-ce que l'être humain, pour comprendre, disons, le phénomène de la mort, parce qu'évidemment, comprenant la mort telle qu'elle est, ça permet d'arriver à pouvoir moins souffrir la mort de quelqu'un ou notre propre mort. Maintenant, le problème, ce n'est pas nécessairement de comprendre une théorie de la mort. Parce que, étant donné que chacun d'entre les humains ne peuvent pas expérimenter la mort de leur vivant, c'est-à-dire qu'une condition essentielle à l'expérimentation de la mort, c'est de mourir. Et lorsque l'on meurt, évidemment, on n'est pas là pour le dire, ce qui se passe. Certains vivants ont des contacts avec le monde des morts. Certains vivants ont des contacts avec ce qu'ils vont appeler des esprits. Donc le terme est très, très inapproprié parce que l'esprit n'est pas conditionnel du monde de la mort. Un fantôme, peut-être. Un ectoplasme. Un revenant. Mais pas un esprit. Mais enfin, on appelle ça aussi le spiritisme. Le problème, c'est que qui, à travers tous ceux qui ont un contact apparent avec le monde des morts, ont raison dans ce qu'ils amènent du monde des morts? Parmi ceux qui apparemment meurent et reviennent à eux, soit qu'ils étaient dans un coma hyper profond, soit qu'à un moment donné, ils sont en arrêt cardio-respiratoire et après un laps de temps plus ou moins court, on les ranime, ceux-là vont compter une expérience qu'ils ont vécue et ils vont parler de la vie après la mort. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'expérience qu'ils ont vécue n'est pas du domaine du monde des morts, mais plutôt du domaine du monde de la vie, c'est-à-dire que cela fait partie d'un plan qui, en ésotérisme, porte le terme de plan moromorantiel. Un plan où tu restes vivant, mais où tu n'as pas de corps physique. Et après cela, tu vas perdre ce corps vivant, et là, tu pénétreras le monde des morts, ce qu'on appelle le ciel, disons, dans les religions. Alors, ces personnes vont conter différentes histoires, et encore là, les vivants, ne pouvant expérimenter la substance qui est amenée par ceux qui, soit reviennent à la vie, ou soit ceux qui ont un contact avec, disons, les disparus, étant donné que les vivants ne peuvent pas l'expérimenter, ça doit devenir une question de foi ou de croyance. Personne ici n'a expérimenté d'une façon tout à fait consciente la mécanicité de la réincarnation. Alors ceux qui croient à la réincarnation dorment bien et vivent un peu mieux, mais sont obligés de croire à la réincarnation. Sauf que lorsque la personne approche de l'heure de sa mort, sa foi et sa croyance doivent être drôlement puissantes parce que sinon, la conscience de la vie de la personne va se réveiller. Et réincarnation ou non, la personne se rend compte qu'elle ne le sait pas. Ne le sachant pas, bien évidemment, la peur de la mort apparaît parce qu'elle s'en va inéluctablement vers celle-ci. Alors, elle peut s'en remettre dans d'autres croyances. Qu'est-ce qui permet à l'être humain de supporter sa mort ou la mort des autres? C'est la foi. Mais la foi n'est pas une condition de compréhension. La foi peut être vécue avec de la souffrance. La foi te permet de supporter ta souffrance, mais rare est la foi qui élimine la souffrance. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas de la compréhension. Lorsqu'une personne a foi en quelque chose, il espère que sa croyance est vraie, fondée, en relation avec la réalité. Mais il ne sait pas. comprendre la mort sans souffrance, on peut simplement dire comprendre la mort. Automatiquement, la souffrance disparaît. Donc, comprendre la mort. Est-ce que ce ne serait pas aussi comprendre la vie? Évidemment. Comprendre la vie. Celui qui n'est pas au monde, celui qui n'est pas né, est quelque part. On a tout fait, la science, ses vertus de temps en temps, à vouloir, disons, prouver que la théologie intuitive ou que toutes les formes, disons, de spéculation ésotérique, théologique, morale, spirituelle, philosophique sont fausses. Mais la science a quand même amené un point. D'ailleurs, à chaque fois que la science veut prouver qu'une chose est fausse, bien souvent, elle prouve qu'elle est vraie. Bon, on appelle ça une science juste. Oui. Une science d'ajustement. Rien ne se perd et rien ne se crée. Alors, on a essayé de désintégrer la matière, on a désintégré l'atome, et on s'est ramassé avec une quantité d'énergie absolument incommensurable, qu'on appelle donc l'énergie nucléaire, l'énergie libérée lors de la fission d'atomes. Rien ne se perd, rien ne se crée, c'est un fait. Alors, si l'être humain apparaît à un moment donné dans une condition expérientielle sur la planète, donc si un être humain vient au monde, ben, il vient de quelque part. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas, disons, certains ne savent pas d'où ça vient l'humain, que l'humain vient de rien. J'ai dit souvent qu'avant qu'on découvre l'Australie, on ignorait l'existence du kangourou, mais le kangourou existait pareil. Alors, ce n'est pas une condition d'existentialité d'une chose, le fait que l'être humain la connaisse ou non. L'être humain qui est dans un autre monde se doit de quitter ce monde pour apparaître dans celui-ci. Donc, il doit mourir pour naître. Et c'est une condition essentielle, parce que l'être humain qui est dans un autre monde, lorsqu'il veut se matérialiser ici, vous savez très bien tous, n'est-ce pas, que vous ne vous rappelez absolument pas du monde dans lequel vous étiez, enfin, vous ne vous rappelez pas d'où vous étiez avant de naître. Ça a même pris un certain temps avant que la conscience naisse dans votre corps physique, un certain temps qui se l'échelonne de 3 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans. Et c'est toujours le problème, c'est que le fait que l'humain ne se rappelle pas, il croit ne pas avoir expérimenté, et évidemment, ça échappe à sa compréhension. Pourquoi? Parce que l'être humain comprend à partir de ce qu'il a en mémoire, donc il comprend à partir surtout de ce qu'il expérimente. Ne se rappelant pas l'expérience, il n'a pas l'impression de l'avoir expérimenté. Mais l'être humain est de la chair, ça tout le monde le sait, ça on sait ce que ça donne, hein? ça nourrit les médecins et pas quelque chose. L'être humain est de la chair. La chair, elle est constituée, on le sait aujourd'hui, elle est constituée de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, elle est constituée de substances organiques. Cette chair, elle peut se créer à la condition que l'on apporte des éléments vitaux, donc des oligoéléments, c'est-à-dire on peut amener des minéraux, on amène des constituants de la zone chimique, qui peuvent être des protéines, qui peuvent être des vitamines, qui peuvent être des choses comme ça. On amène évidemment une nourriture peut-être plus gazeuse, de l'oxygène qu'on va liquéfier. Et on est capable, donc par la génétique et par la nourriture, la nutrition, de pouvoir agglomérer les substances matérielles de façon à constituer un corps. Ça, c'est une chose qui va bien, jusque-là. Le fait que le corps physique reste intégralement dans sa mémoire nécessite évidemment une mémoire, une force mémorielle qui oblige les constituants atomiques de la matière, les molécules, à se placer selon une forme mémorisée qui permet au corps physique de rester intégral presque au cours de l'évolution du temps. Tu manges une pomme, mais la pomme ne te sort pas par la joue. Elle va être digérée, donc elle va être vitalisée selon une forme particulière et elle va être amalgamée selon ce que le corps a besoin et selon les mémoires vitales du corps physique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est qu'une mémoire vitale, c'est l'énergie vitale. Et on connaît présentement que, enfin la science connaît deux sortes d'énergie vitale, disons cutanée, l'énergie yin et yang des acupuncteurs. Il y a d'autres formes d'énergie vitale, l'énergie géminale entre autres, qui est inhérente à l'humain, mais qu'on va découvrir un peu plus tard. Alors donc, cette énergie vitale, elle oblige donc, on prend un verre d'eau, l'eau s'en va, elle est divisée et on va se servir de ce que l'on a besoin. On mange du chlorure de sodium, du sel de table. À l'intérieur du corps, le chlorure de sodium est ionisé. Donc, le sodium d'un côté va servir à quelque chose. Le chlore d'un autre côté va servir à quelque chose. Les deux vont servir dans la conduction nerveuse, par exemple, au niveau du corps physique. Qu'est-ce qui oblige les molécules à être orchestrées pour servir d'une certaine façon et non pas de 50 façons? Un manque d'énergie vitale peut créer le cancer, par exemple. Ou là, les cellules prolifèrent d'une façon maintenant incoordonnée. L'énergie vitale, c'est une chose qui est transmissible, c'est la vie. Donc, cela est transmissible par la génétique, encore une fois. C'est contenu, cette mémoire du corps est contenue dans le mélange génétique des nucléoles, par exemple, du spermatozoïde et de l'ovule. Alors, jusque-là, la science, ça va. La théologie, pas trop, mais la science, ça marche. La théologie, elle va dire que Dieu a créé le corps tel quel, et qui, bon, on parle de certaines choses, mais on ne peut pas expliquer scientifiquement ces choses-là au niveau théologique. Mais à partir du corps physique et de la vie qui quitte le corps pourrit, donc le corps oublie sa mémoire, le corps se défait. À partir de la vie, au-delà, la science commence à s'enfarger, la théologie commence à sourire, c'est son domaine. L'âme, le plan mental, le plan de l'esprit, et on a différents termes ésotériques, peut-être plus précis que les termes théologiques. On va donc parler du corps astral, de l'âme. On va parler du corps mental, qui est intégré dans l'âme au niveau de la théologie. On va parler du corps supramental, qui est intégré au niveau de l'esprit dans la théologie, et donc de d'autres choses par la suite. Est-ce que dans le jargon de la science, il y aurait des termes équivalents à ceux de la théologie? Pas de toute façon, pas au complet. Disons que le corps scientifique, c'est le corps vital et l'énergie atomique qui le relie. Donc, le corps matériel et l'énergie atomique qui le relie, le corps vital. Ça, au niveau théologique, c'est le corps. Au niveau scientifique, on a la psychologie, on a les désirs, les émotions, que tous les savants connaissent. Donc, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, ben, ils l'accréditent et ils le vivent. Bon, on ne le comprenne pas, mais ils le vivent, donc c'est correct. Et au niveau on a aussi l'intellect, donc le corps mental. Au niveau théologique, tout ça, c'est l'âme. Et au niveau ésotérico-scientifique, c'est-à-dire, disons, d'une science nouvelle ou d'une conscience nouvelle, on va avoir, évidemment, le plan supramental qui est de l'intelligence instantanée. Au niveau scientifique, on n'a pas de correspondance parce que les savants, présentement, vivent à partir de l'ignorance des connaissances. Donc, parce que ce qu'on appelle une connaissance, c'est l'accumulation des découvertes. La connaissance, évidemment, fait référence à tout ce qu'on ne sait pas. Donc, la connaissance, c'est de l'ignorance qui est coordonnée. Et l'intelligence n'a pas donc de synonyme scientifique. Par contre, l'intelligence supramentale a une correspondance théologique, l'esprit ou l'esprit pur, donc l'esprit saint, le savoir instantané. Maintenant, le problème, c'est que la théologie parle de l'âme. D'où vient cette âme? Pour comprendre la mort, si on comprend d'où on vient, on peut comprendre où on va. L'idée, c'est que l'être humain n'a pas et n'expérimente pas. Vous avez tous expérimenté de l'émotion. Vous avez tous expérimenté des désirs, des colères, des gênes, des hontes, des culpabilités. Vous avez expérimenté des désirs émotifs, des désirs psychologiques, et vous avez sans doute aussi expérimenté des désirs mentaux, logiques, non colorés par l'émotion. Cela fait partie du domaine théologique appelé âme. Et l'âme s'exprime par la personnalité. Mauvaise personnalité, mauvaise âme. Alors, apprends les bonnes manières, prie un peu plus, enfin, fais quelque chose pour pouvoir transformer ton âme et tu auras une personnalité plus adéquate. Adéquate pour les autres, évidemment. Tu te transformes toi, mais pour devenir, disons, pour être nivelé au niveau de la normalité. L'âme. D'où vient l'âme? D'où vient toute la mécanicité qui permet à l'être humain de pouvoir penser qu'il reste vivant après la disparition des deux mémoires matérielles, le corps vital et le corps physique? Et c'est là le problème. Parce que une fois que le corps physique est abandonné, le corps vital est abandonné, l'âme n'a plus de véhicule d'expression. Vous vous connaissez comment? Parce que vous vous regardez la bête dans un miroir et vous dites « Tiens, c'est moi ». Bon. Mais plus de corps physique, vous dites « Tiens, rien, je suis plus là ». L'être humain a aussi conscience de lui comment? Il a mal aux dents. Il a faim. Il est fatigué. Il y a quelque chose. Mais éliminer les sens physiques, donc éliminer le corps physique, l'ego, l'âme, il reçoit des informations de quoi? Plus nulle part. La seule information qui va rester à l'âme, c'est les informations générées par ses mémoires, la nostalgie, le souvenir, certains désirs. Sauf que n'ayant pas de corps physique, il ne pourra pas les appliquer. Alors évidemment, on va laisser tomber le corps vital, le corps physique, et on va parler maintenant de l'homme en tant qu'âme, donc l'homme en tant que mémoire astrale, c'est-à-dire l'homme en tant que phénomène, disons, au-delà, disons, hyper matériel. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne vient au monde? Non, on va laisser faire, on va revenir. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt? Vient au monde ailleurs. Il y a des personnes qui meurent et qui ne savent pas qu'elles sont mortes. Pourquoi? Parce que le corps physique n'a pas eu le temps d'enregistrer la violence de la mort pour pouvoir le transmettre à l'âme, donc l'âme est déconnectée du corps physique comme lors d'un rêve. Et donc, l'humain, l'ego, l'âme, n'est-ce pas, ne sait pas ce qui se passe. Il va évidemment observer la scène, il va voir ce qu'il va voir des choses, mais il n'aura pas le potentiel de réintégrer son corps. D'ailleurs, dans le sommeil, il ne l'a presque pas. Alors, dans la mort, il ne l'a pas du tout. Et il va vivre pendant un laps de temps dans le plan morontiel, c'est-à-dire un plan qui, bon, je vais rien qu'expliquer certaines choses qui sont du domaine peut-être de la théorie pour certains, mais qui est nécessaire de comprendre. Vous pouvez fouiller dans n'importe quel livre théologique ou sacré. Ce que je dis se rapporte à l'intérieur de ces livres, sauf que ça explique peut-être un peu plus. Et si on veut fouiller dans des livres de science au niveau, disons, de la science nucléaire, on va se rendre compte qu'effectivement, ça se rapproche aussi de là. Le corps physique est mémorisé, donc il garde sa forme. Cette mémoire, c'est de l'énergie vitale, c'est elle qui est l'énergie intra-atomique, donc qui va obliger les molécules à ne pas se transformer de n'importe quelle façon et à être cristallisées. Cette énergie vitale, elle peut, si elle est plus évoluée, animer la matière, donc permettre à la matière de pouvoir mémoriser de l'énergie vitale de façon à pouvoir se déconnecter des sources d'énergie vitale et pouvoir se promener. Lorsque la plante peut faire cela, ses racines sortent du sol, elle marche. Elle n'a pas besoin d'animal. Bon. L'animal peut donc maintenant manger des plantes, boire de l'eau, avoir du soleil. Il prend donc de l'énergie vitale yin solaire et yin tellurique. Lorsque l'animal est herbivore, lorsque l'animal devient herbivore, il va évidemment manger des herbivores, il devra boire de l'eau, et lorsqu'il aura certaines pathologies, il devra aussi manger des végétaux. D'ailleurs, tous les carnivores vont manger de l'herbe, vont manger des choses comme ça. Bon. Pour pouvoir se guérir, donc s'énergiser, avec de l'énergie vitale. L'être humain, lui, a une énergie vitale d'une évolution telle que cette énergie vitale est capable de créer une mémoire, donc un noyau, un focus, qui va être capable d'enregistrer tout ce qui va être événementiel, donc tout ce qui va être causé par les événements de la vie. Cette mémoire lentement va grossir et c'est ce qu'on appelle l'âme. Bon, il y a une particularité, réincarnative au niveau de la formation d'une âme à la naissance, mais ça on en a déjà parlé puis on va revenir. On va parler de l'âme à la mort. Cela, plus la personne va vivre, plus elle va accumuler de la mémoire, donc plus elle va avoir de l'expérience. Cette expérience est constitutive de son âme. Tu es ce que tu as comme expérience. Si tu as toujours connu la paix, il y a de fortes possibilités que tu émettes de la paix. Par contre, tu as toujours connu la guerre, il y a de fortes possibilités que tu émettes de la guerre. Et ce n'est pas simplement parce que ton âme, elle est sale, etc. C'est simplement que l'expérience contenue dedans, dans laquelle s'identifie l'ego, est une expérience qui, le monde est comme ça. La personne vibre cela, c'est comme ça, ça marche. Les parents fument, tout le monde fume, ça fume partout, tu as de fortes possibilités que l'individu fume. Sauf des réincarnations d'enfants nouveaux qui sont une autre phénoménologie qui peuvent obliger l'enfant à ne pas fumer parce qu'il aura une conscience, disons, déjà déconnectée de ses parents, mais ça, c'est autre chose. L'âme va donc grossir, et cette âme, il est paramétré, on l'a déjà vu, je passe donc rapidement là-dessus, par une enveloppe d'énergie vitale qui a une correspondance théologique, les séraphins, ou le séraphin pour un individu. Cette enveloppe d'énergie vitale est ce qui préserve l'âme, c'est-à-dire que plus l'enveloppe est épaisse, moins la personne est influençable. Plus l'enveloppe est mince, plus la personne est sensible et influençable. Et cette enveloppe permet de conserver la mémoire identifiée, l'âme et l'ego, à l'intérieur d'un paramètre qui lui permet de ne pas être mélangé continuellement avec tout le monde. Bon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que cette âme a la faculté de vivre dans deux plans. L'énergie vitale étant la mémoire atomique qui molécularise les atomes pour créer des corps physiques, l'âme a donc la particularité de pouvoir être en contact avec le corps physique par son enveloppe, le périsprit, le séraphin, cette énergie vitale de l'âme. Étant en contact avec le corps physique, l'âme a donc une correspondance qui lui permet d'exprimer ce qui se passe dans l'âme par le corps physique. C'est ce qu'on va appeler l'expression émotive, l'expression de désir, et qui va évidemment par le corps physique s'exprimer selon une panoplie de mécanismes comme la transpiration, la tachycardie, l'accélération cardiaque, les chocs, le choc psychogénique, la personne perd connaissance pour différentes choses. Il y a telle une phénoménologie totale d'expression de l'émotivité au niveau du corps, et ça, l'âme peut l'exprimer par l'énergie vitale, qui est simplement le phénomène qui contrôle le corps. Et l'âme va le faire par le biais, on le sait, de l'hypothalamus et du thalamus, donc du système endocrinien surtout. Ce qui va engendrer des maladies, ce qui va engendrer le vieillissement, ce qui va engendrer une panoplie de choses au niveau du plan physique. Maintenant, l'âme étant constituée, paramétrée d'énergie vitale, a aussi la faculté de vivre dans un monde vital. Ce monde vital porte le nom scientifique de vie, et il porte le nom théologique de vie, c'est la vie. La personne, lorsqu'elle dort, elle a des songes, c'est-à-dire qu'elle a des contacts avec le monde des morts. Le monde des morts, c'est le terme ésotérique. Le ciel, c'est le terme théologique. Le monde des morts est constitué de différents plans, disons, de pureté. ou si on peut dire, disons, de vibration, donc d'apesanteur, et le ciel aussi constitué de différents plans. Le ciel théologique est divisé en trois parties. Le ciel, le purgatoire et l'enfer. Le monde des morts ésotérique est constitué de carrément du ciel, du purgatoire et de l'enfer. L'âme a donc un périsprit qui lui permet de vivre dans un monde qui porte le nom ésotérique de plan mort en ciel et qui va porter le nom scientifique et théologique de la vie. Mais la vie, c'est encore. Juste avant l'incorporation, l'incorporalisation d'un âme dans un corps physique, ou après la mort, l'âme vit dans un monde. Dans son sommeil, elle va plus ou moins vivre là. On parle ésotériquement, disons, du dédoublement de l'âme, le voyage astral, et d'autres vont parler du dédoublement du corps éthérique, dédoublement du périsprit. Ça, c'est dangereux, et ça peut même être très, très, très dangereux. Par contre, l'extra-conscientisation de l'âme, ce qu'on appelle le voyage astral, mais qui n'est pas un voyage comme tel, qui est simplement une extra-conscientisation, la conscience de l'âme est projetée à l'extérieur dans l'énergie vitale de la matière terrestre, le rêve. Il peut être plus ou moins conscient, dépendant où ce rêve est amené au niveau du cerveau. Bon, s'il est amené directement dans le système endocrinien, la personne gesticule toute la nuit, mais ne s'en rappelle plus. S'il est amené au niveau du cortex et par la suite au niveau du système endocrinien, par les voies thalamiques, la personne va s'en souvenir et elle va réagir. S'il est amené au niveau du cortex, donc, disons, sautant le phénomène thalamique du cerveau, la personne va s'en rappeler, mais elle n'aura pas nécessairement de correspondance à part cérébrale, donc détectable par un électroencéphalogramme, mais pas au niveau de sa gesticulation de dormeur. Dans le monde de la vie, le plan morentiel, l'âme a ce paramètre, disons, d'énergie vitale qui lui permet, lorsque le corps physique est altéré, d'être expulsé, c'est-à-dire que lorsque la matière physique n'a plus la faculté de maintenir l'attraction de l'âme dans le corps, soit parce que le cœur vient d'arrêter, donc il y a des choses qui se dégradent et l'âme est donc rejetée. Lorsque la personne meurt, elle perd le corps physique, elle garde la conscience de ce qui se passe. La preuve de cela, c'est que tous ceux qui sont réanimés, si leur cerveau est en bon état, et si la personne a un certain degré de conscientisation, non pas de connaissances scientifiques, mais de conscientisation, si elle est suffisamment attentive à ce qui se passe chez elle, lorsqu'on la ranime, elle va voir, elle va dire « Oui, j'ai vu les médecins, j'ai vu l'ambulance, j'ai tout vu. » Elle va dire « J'ai fait un voyage astral. » Oui, mais en réalité, elle était morte physiquement, c'est-à-dire qu'elle était dans le monde morentiel. Et tant que l'âme reste dans le plan morentiel, le corps, s'il est ranimé, l'âme va revenir. Mais lorsque l'âme pénètre le monde des morts, le corps, s'il est ranimé, ça fait un zombie. Donc, un mort vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'âme dedans, puis normalement, on ne les ranime pas. On n'est pas capable. À part par certains moyens que, disons, les Haïtiens sont passés maîtres là-dedans. Créer des zombies. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort, lorsqu'elle est vécue, une chose très importante de la mécanicité de la mort, c'est qu'une personne qui meurt ne souffre jamais. La personne mourant peut souffrir. Mais la personne qui meurt ne souffre pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la souffrance est tributaire des sens physiques. Lorsque le corps physique n'a plus suffisamment de résistance, premièrement, il n'a plus la capacité d'amener l'information de douleur au cerveau. Deuxièmement, il n'a plus la capacité d'analyser ce qui se passe au niveau cérébral, donc il ne sait pas qu'il souffre. Et troisièmement, l'âme ayant été déconnectée du corps, l'âme ne peut plus expérimenter la sensorialité du corps physique, donc l'âme ne souffre pas. Un accident, la personne meurt instantanément. Le problème, c'est que l'âme peut ne pas savoir qu'elle est morte, mais il n'y a aucune souffrance là-dedans. La personne qui meurt d'une maladie, la maladie est souffrante. Lorsque la personne commence à s'en aller, ce qui est intéressant, c'est que l'âme commence à se déconnecter. Donc, l'âme qui est de l'énergie vitale au niveau du périsprit vitalise moins le corps physique, la personne ne souffre déjà plus. La personne peut être consciente, elle peut parler. Le corps physique est déjà oublié, donc elle ne souffre plus. La mort n'est pas, absolument pas souffrante. Bon, maintenant, l'individu peut laisser une espèce de grimace à la mort pour la simple raison que ça, c'est juste avant de partir, c'est la peur de l'âme transmise dans le corps physique qui va donner certaines choses. Mais la personne ne souffre pas. Mais normalement, les personnes qui ont le temps de voir la mort venir meurent toujours en paix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se rendent bien compte qu'il n'y a plus de souffrance, que tout va bien. Soudainement, elle voit de la lumière, c'est le plan morentiel, le plan d'énergie vitale. Elle voit que le corps lentement se détache. Elle ne souffre pas. Donc, en partant, parce que qu'est-ce qui fait peur à l'ego? La souffrance, c'est un des points majeurs qui fait peur à l'ego. On a peur de mourir, de souffrir quand on meurt. Alors, l'âme s'en va dans le plan morentiel où elle peut effectivement voir tout ce qui se passe. C'est ce qu'on va aussi appeler l'enfer au niveau théologique. C'est l'enfer à l'exclusive condition qu'il y ait une attraction de l'âme par le plan physique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme se déconnecte, il est dans le plan morantiel, donc le corps physique est mort, ou disons en état de réanimation. Tant que l'âme reste au niveau du plan morantiel, et normalement l'âme va avoir une suffisante attraction s'il y a des massages cardiaques, s'il y a, disons, une réanimation cardio-cérébrale qui est en marche, normalement l'âme va rester là, sauf évidemment si le corps physique est trop altéré, l'âme s'en va. Lorsqu'un individu a une âme qui a expérimenté tout au long de sa vie, donc l'âme a été constituée de mémoire extrêmement lourde, c'est-à-dire de mémoire, qu'est-ce qu'on entend par une mémoire lourde? C'est une mémoire qui a une densité, une masse, disons atomique, telle qu'elle a la possibilité de créer une gravité, de l'attraction. Elle attire, c'est de l'égocentrisme. Plus la densité de l'âme est forte, plus l'âme va être attirée par ce qui constitue l'ego, donc les mémoires expérientielles. Autrement dit, si l'âme a été constituée d'avarice tout au long de la vie, lorsque l'âme au complet sort du corps physique, l'ego va être attiré par l'argent, par la matière, parce que son âme a une attraction massive au niveau de ce plan matériel, ce qui fait que l'âme va rester dans le plan morantiel au lieu de gagner le monde de la mort, le ciel. Il va rester dans le plan morantiel et il y aura une souffrance qui n'est pas physique, une souffrance qui n'est que frustration, c'est tout. La seule souffrance que l'âme va subir au niveau de l'enfer, ce n'est pas une souffrance, on parle des feux. Le feu, qu'est-ce que c'est le feu? Le feu, c'est une correspondance, comme la radioactivité, comme l'électrostatisme, qui est extrêmement proche de l'énergie vitale. Alors, évidemment, dans l'Antiquité, on ne connaissait pas le terme énergie vitale. On parlait de l'éther, mais on mélangeait l'éther supramental de l'éther terrestre, le corps éthérique, le corps vital. Mélangeant tout cela, on disait que l'enfer était les feux éternels. Bon, le feu. Mais le feu altère le corps vital, comme la radioactivité, comme l'électricité, surtout au niveau du magnétisme. Alors, évidemment, l'âme reste donc dans ce feu qui est de l'énergie vitale, sauf que l'âme a la faculté de tout voir la matière, mais il n'a plus le privilège de pouvoir prendre son argent ou de pouvoir boire sa boisson si c'est alcoolique, ce qui fait qu'il ne vit que de frustration, c'est l'enfer. Lorsque l'âme vivant dans cet enfer, l'âme va subir une phase qui est tout à fait normale, où le périsprit va lentement être détruit, donc digéré par le plan de la vie terrestre, parce qu'on a besoin de cette vie-là maintenant pour pouvoir constituer d'autres choses. Alors lentement, le périsprit étant altéré, l'âme finit par perdre son périsprit, dont l'âme sort donc de ce périsprit et se dirige immédiatement vers le plan, le monde de la mort. Ce qui fait que si on a, par exemple, affaire à un fantôme, ben après 200-300 ans, le fantôme disparaît. Si on a un contact avec quelqu'un au niveau du plan morantiel, après un certain temps, on n'a plus le contact et puis là, il est parti, c'est normal. Maintenant, lorsque le périsprit se défait, l'âme ne souffre plus. Lorsque l'on parle du purgatoire, on parle donc de la phase du monde de la mort, où les particularités de la création d'un âme vont être assimilées par le monde de la mort de façon à libérer l'esprit. Il n'y a aucune souffrance là-dedans, il n'y a même pas de frustration là-dedans. La théologie parle du purgatoire, où il y aura un grand livre, où la personne va revoir ce qu'elle a fait. Ça, c'est imagé. La science ne connaît pas le principe, même si la science a déjà pesé le poids d'une âme. En réalité, elle a pesé le poids de l'atomicité du périsprit de l'âme dans un corps physique. Elle n'a pas pesé le poids de l'âme parce que l'âme n'est pas pesante. Est-ce que vous voulez dire qu'on a pesé le poids de la personne avant qu'elle meure et après qu'elle soit vraiment morte? On a constaté une différence de poids. En calculant la transpiration, tout cela, et effectivement, on a constaté la différence de poids. C'est ce qui a fait écrire à un moment donné un livre qui était « L'âme a un poids ». Mais en réalité, c'est le poids du périsprit qu'on a pesé. Ça, c'est de l'énergie vitale qui est presque matérielle. C'est-à-dire que l'énergie vitale est, disons, d'un ordre similaire au niveau de la science, ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir de poids. Elle a un effet, elle a une expression, elle laisse des traces au niveau de ce qu'elle va engendrer, mais elle n'a pas de poids, parce qu'elle n'est pas matérielle, elle est vibratoire. Lorsque l'être humain, donc, meurt, et premièrement, il ne souffre pas. Ça, c'est la première chose à comprendre. On peut le constater chez les animaux, on peut le constater chez n'importe quel humain. Il n'a pas souffert. Celui qui meurt et qui est réanimé n'a pas souffert. Il a souffert la partie, disons, la crise de cœur avant. Il ressouffre l'intubation lorsqu'il revient. Il ne se rappelle pas des stimulations cardiaques par électrochoc, donc des défibrillations. Il ne se rappelle pas de grand-chose, mais il va souffrir l'état du vivant. L'être vivant est un mortel. Lui a le privilège de souffrir. Et c'est cette souffrance qui lui amène la connaissance de sa vie. Je le mentionne. Et j'ai la partie des hommes transitifs. Celui qui est mort, donc celui qui a quitté le corps physique, n'est pas mort, en ce sens qu'il est toujours là. Sauf qu'il n'est plus là, mais il est là. Bon, mais il est toujours là pareil. Lui ne souffre plus, donc il n'a plus de problème de ce sens. Et lorsqu'une personne ne comprend pas la mécanicité de la mort, et qu'elle souffre de voir quelqu'un mourir, C'est une chose, une remarque que j'ai déjà faite. D'ailleurs, j'en parle un peu aussi dans le livre. C'est que le cortège mortuaire est noir. On expose le corps de la personne une journée ou deux. Tout le monde s'habille en noir, donc porte le deuil. C'est le cas de le dire, il porte le deuil, c'est pas le mort, c'est ce qu'il porte. Et on va enterrer la personne. Alors, tout le monde souffre donc de cette disparition. Mais toutes les théologies planétaires sont d'accord pour dire que lorsqu'un être humain meurt, il va vers un monde meilleur. C'est-à-dire un monde sans souffrance. Meilleur, faut s'entendre. Similaire, d'accord, mais sans souffrance. Pour l'ego, meilleur, vu qu'il souffre pas. Alors, si tout le monde sait que l'être humain va vers un monde meilleur, alors pourquoi tout le monde est habillé en noir? Pourquoi tout le monde pleure? Pourquoi tout le monde porte le deuil? Comme si tout le monde était en beau maudit que la personne décédée s'en aille vers quelque chose de mieux. Ou bien ils sont tous jaloux, ou bien ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ou bien ils perdent quelque chose que la personne disparue ne perd pas. Et on peut constater que la majorité des souffrances pour la mort de quelqu'un est reliée au fait que la personne perd la personne qui est décédée. Donc, elle perd au niveau de son expérience âmique, donc de l'âme, au niveau de son expérience astrale ou égoïque. Elle perd une source d'alimentation, donc une source de sécurité, une source de joie, une source de plaisir, une source d'avenir. La personne pleure pour elle, mais elle ne pleure pas pour la personne disparue. Maintenant, tous les humains vont être d'accord pour dire que c'est normal, c'est humain de pleurer quand quelqu'un meurt. Oui, parce que l'homme est d'un égocentrisme, l'homme est d'un égoïsme merveilleux. Alors, c'est donc humain de pleurer lorsqu'on perd quelqu'un. Mais ce n'est pas naturel, ce n'est pas intelligent de pleurer lorsqu'on perd quelqu'un pour ceci. Premièrement, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? On peut constater qu'on peut réanimer grand monde en pleurant. Mais surtout, c'est que ça attache l'âme de la personne qui meurt au plan terrestre. Donc, ça force la personne à vivre un enfer pendant un laps de temps, jusqu'à temps où les morts pourront s'occuper des morts. Donc, jusqu'à temps où les vivants vont commencer à se reconcentrer dans le monde de la vie pour oublier le monde de la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne meurt, elle est dans le plan morentiel, donc elle voit les choses, elle voit la lumière du ciel, et ça, on en a déjà parlé, on va revenir un petit peu. Elle est donc attirée par le ciel, cette lumière du monde de la mort. Le monde de la mort, du côté de la mort, porte le nom du monde de la vie. Faut bien comprendre que le ciel, quand j'appelle ça monde de la mort, ce n'est pas péjoratif, en ce sens que ce n'est pas une insulte. C'est que du côté vivant, le ciel, c'est le monde de la mort. Dans le ciel, le côté vivant est peut-être le monde des misères. Bon. Lorsque la personne dans le plan morentiel, elle est évidemment en attraction vers ce ciel, sauf que si tout le monde crée un phénomène, on expose son corps pour aller têter une dernière fois de l'énergie, pour aller recenser nos souvenirs, pour aller regretter un peu plus, on crée une phénoménologie énergétique qui oblige l'âme à rester. Et lorsque le corps est enterré et qu'on finit par essayer d'oublier, qu'on veut se replacer dans la vie, ben lentement, on brise le lien qui retient la personne. Donc, si on l'aime trop, si on l'aimante trop, si on l'attire trop, on l'oblige à vivre un enfer pendant un laps de temps. Imaginez-vous, n'importe qui d'entre vous, dans le plan morentiel, où vous voyez la famille en train de pleurer, où vous voyez les enfants ou les amis, et tout le monde est là, puis là, vous voyez bien que votre départ vient de foutre le bordel en bas. Ben, vous avez une seule, attractivement parlant au niveau de l'ego, vous vous sentez coupable, parce qu'il n'y a plus de corps physique, il y a de la frustration au niveau de l'âme, et évidemment, il y a un problème. On devrait fêter. C'est ce que on devrait fêter. Dire. Alors, comment on fête? En cachette. Parce que ceux qui ne comprennent pas, c'est de voir fêter. Il y a une tradition mexicaine assez originale. Originale parce que, disons, stupide. Et comme d'ailleurs presque toutes les traditions, c'est que à la mort d'un enfant, l'enfant est habillé de blanc, le cortège est blanc et on fait une fête. Mais à partir de 6 ou 7 ans, l'enfant est considéré comme un adulte. Puis quand à la mort donc d'un adulte, là c'est de noir, puis là on broye. Alors il y a exactement comme si l'enfant ne te rapportait pas financièrement, mais en haut de 6 ans il peut travailler, fait que là tu broyes parce qu'il est parti. Mais en bas de ça, il n'y a plus de problème, il s'en va vers un monde meilleur, tout le monde est content. Mais est-ce que juste ça en dessous de ça? Si. Est-ce qu'il y aurait seulement ça, cette manifestation, le fait que l'enfant qui est jeune, ben, on l'habille en blanc, puis après ça, en noir, est-ce qu'il y a autre chose dessous cette apparence de tradition? Bon, sous cette tradition-là, c'est qu'évidemment, il y a un phénomène intuitif, donc théologique, qui comprend, et ça, toutes les religions sont d'accord pour le dire, que l'enfant est pur. Donc, que l'enfant peut, s'il meurt, il gagne automatiquement le ciel. Mais ça, ça va de soi. L'enfant ne peut pas aller en enfer en mourant. Pour la simple raison que l'enfant n'a pas d'ego de constituer, donc l'enfant n'a rien expérimenté de matériel, ce qui fait qu'automatiquement, il n'a pas de foyer d'attraction vers la matière. Un enfant de 2 ans qui meurt n'est pas avare d'argent. Il ne peut pas garder son château ou son char. Puis c'est ce qui sous-entend que personne ne peut l'atteindre égoïquement. Non, même si on pleure la mort d'un enfant, il monte directement vers le plan du monde de la mort, c'est-à-dire qu'il est carrément libéré de ce qu'on appelle, disons, la phase infernale. Il ne peut pas être attiré, il ne peut pas non plus revenir sous forme de fantôme, pour la simple raison que l'enfant n'a pas de poids. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dès que les parents apprennent à l'enfant à ce qu'il s'attache à eux, Là, c'est le contraire. C'est le préférable qui fait. Voyez-vous, celui qui expérimente la mort lorsqu'il est vivant n'a pas conscience de la mort. Pourquoi? Parce que ce qui expérimente la mort, OK, votre âme, mais votre âme se rappelle d'où elle vient, c'est une consistance atomique. Mais l'ego qui a été construit sur la Terre par l'accumulation mémorielle d'expérience. Le gars qui est camionneur, je le dis souvent, il y a un ego de camionneur. Le gars qui est policier, après 25 ans, il y a un ego de policier. Le gars qui est la fille qui est secrétaire, après 40 ans, elle a un ego de secrétaire. La fille qui est médecin, ben après 50 ans, elle a l'ego d'un médecin. L'ego, lui, est constitué sur le plan terrestre. Il est expérientiel, donc il doit expérimenter pour connaître les choses. Et c'est pourquoi l'ego n'a pas la faculté de discerner le bien du mal tant qu'il ne l'a pas expérimenté. Et après ça, à longue, avec l'expérience qu'il y a en arrière, il commence à comprendre. Il commence à connaître les lois qui régissent le bien et le mal au niveau de la matière, donc des lois, disons, de relativité, d'équilibre scientifique ou du karma théologique. Bon. L'humain qui vit cet ego, lorsqu'il meurt, ben l'ego, lui, ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe. Lui a peur. Il se ramasse quand même dans l'âme, dans le plan moral. Et là, tout ce qu'il voit, il voit un paquet de monde qui chiale, qui braille. Et lui, qui a déjà peur de ce qui se passe là, puis qui voit en plus la catastrophe qui se passe en bas, ben évidemment, il se sent pas génial. T'sais, il se dit qu'on aurait pu le garder un an ou deux de plus. Celui qui, par contre, est connecté à des appareils, qui est dans un état de semi-coma ou de coma permanent, ou qui est dans un état qui, disons, n'est pas connu comme étant comateux, mais c'est un coma de l'âme, celui de la personne qui va être tout à fait légume. Oh, elle peut parler, elle dit n'importe quoi, elle divague, elle fait bon. La personne qui, comme telle, n'a plus de consistance de conscience, cette personne-là a souvent une vie au niveau du plan moral, donc elle peut tout voir, mais lorsque la personne a quitté le corps physique, elle voit clair. Elle voit aussi clair que dans le corps physique, sauf que le corps physique n'a plus nécessairement la propriété biologique d'exprimer la conscience de l'âme. Alors le corps physique exprime des conneries, le cerveau est altéré, alors l'âme veut dire, parle, puis l'autre il donne un coup de poing à la place, le corps ne fonctionne plus nécessairement convenablement. Alors l'âme, dans le plan moral, voit les choses, et il voit que le corps est intubé, que le corps est connecté, et pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans, il voit la chose, et puis lui ne peut pas partir parce qu'il y a toujours un lien qui le retient, son corps vital, au niveau du corps physique. À partir de quel moment on doit débrancher une personne qui, finalement, est soutenue par tout un appareillage? Premièrement, quand tu as le gros feeling qu'il faudrait que tu le fasses, il y en a qui le font, c'est simplement une manipulation du plan de l'âme qui est présentement, disons, connecté, qui vient par le périsprit te manipuler toi, te donner le feeling, te faire souffrir de ce que lui a comme frustration pour qu'à un moment donné, arriver à te manipuler pour qu'elle le fasse. Bon, à quel moment on doit débrancher, ça regarde la science pour l'instant. Moi, j'aurais mon mot à dire, mais je le dis pas pour l'instant, j'ai pas encore assez de notoriété, mais il y a des choses qui vont se dire d'ici quelques années. Parce qu'évidemment, on ne peut pas continuellement tolérer le fait qu'on préserve le corps physique. C'est un meurtre que d'empêcher un être humain de mourir. Parce que tu l'empêches carrément de naître. Alors, quand le corps physique, imaginez-vous qu'à un moment donné, vous avez un certain âge, ou suite à un accident d'auto, vous n'avez plus un corps fonctionnel pour au moins que l'on comprenne ou non le rôle de l'homme sur la planète, ça n'a rien à voir, mais on n'a plus de corps physique pour pouvoir continuer à faire ce rôle. Ben, autant quitter le corps physique. À un moment donné, il se passera quelque chose. Soit qu'on viendra dans un corps en meilleure santé, c'est d'ailleurs ce qui va arriver, ou soit qu'il se passera selon la croyance de chacun d'autre chose, mais c'est évidemment tout à fait ridicule de rester là. C'est exactement comme si la théologie disait dans l'Antiquité, pour faire comprendre la mort à l'homme, Dieu t'a donné la vie, il vient te la chercher. Alors imaginez-vous Dieu qui est là, qui tire sur la vie, puis le bonhomme, le médecin qui tire l'autre bord. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai connu, moi, des personnes âgées, quand je travaillais dans un centre d'accueil, qui voulaient vivre. Alors, le médecin passait une fois par mois, puis la personne, oui, toujours consciente, c'est bien, son état d'esprit, ça va. À un moment donné, ben là, elle dit au médecin, non, là, j'aimerais ça qu'on me tue, j'aimerais mourir. Le médecin, il signe, inapte à prendre des décisions maintenant. Ah oui, là, la personne maintenant, là, elle est perdue. Là, elle ne sait plus, là. Alors maintenant, on va lui retirer la gestion de ses biens personnels. Le testament, ben là, elle ne peut plus le faire. Parce que si elle le fait, c'est vu qu'elle veut mourir, elle n'est donc pas apte à prendre des décisions. Et ça, toute la loi est d'accord encore une fois pour le dire. Parce qu'il y a un article au code criminel qui dit qu'il est illégal de se suicider. Hein, c'est passible de mort, hein, de peine de mort. Non, pas tant que ça, mais enfin... C'est intéressant, mais toi qui prends son micro pour rire, bon, c'est l'habitude. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes âgées, lorsqu'ils décidaient, bon, ben là, moi, j'en ai ras-le-bol, ça fait 8 ans que je suis ici, on me lève le matin, on me tourne la nuit à tout bout de champ pour pas que j'aille de nécrose, on m'embarque, on me rase, on me coupe, on me fait manger tout le kit d'une claque. Et puis, à un moment donné, ben moi, je veux mourir. Puis quand je veux mourir, je peux plus mourir. Alors, je fais la grève de la faim. Alors là, on me plug, on me nourrit au soluté. Je peux plus mourir. Finalement, on la tue d'une autre façon. C'est un meurtre d'un meurtre. Si on veut prendre le meurtre au niveau vibratoire, ça devient un meurtre et d'empêcher une personne de mourir. Oui. Maintenant, le suicide, lorsque la condition physique permet encore la vie, ça devient une absurdité. Et il se passe des choses. Bon, mais on n'en parlera pas, il n'y a personne ici. Mais là, c'est ça, c'est que la médecine, finalement, n'est peut-être pas assez avancée encore pour avoir ce discernement à savoir. C'est pas la médecine qui est pas assez avancée, c'est la conscience de l'homme. L'homme a une conscience qui explique toujours l'homme d'aujourd'hui à partir de l'homme de 10 ou 15 ans. Même si on expliquerait la conscience de l'homme d'aujourd'hui, tu prends un patient qui est dans ton bureau, dans ta clinique, il est en phase terminale, par exemple, d'un néo-pulmonaire, d'un cancer du poumon, et il lui reste 2-3 mois à vivre, et là, tu vas dire, le gars te dit, j'aimerais ça que vous m'euthanasiez. Alors, le gars, il regarde, ouais, non, il bloque, là, 2 ans, les gars, ils voulaient pas. Tu sais, il y a un problème, avez-vous pris de la drogue, avez-vous pris de la boisson? Tu sais, avez-vous quelqu'un dans ma famille qui était fou? Avez-vous quelqu'un, Louis-Polyte? On peut pas comprendre. On va donner de la morphine à la place. Le gars, toute sa vie, il a voulu être drogué, la loi l'interdisait. Quand il veut mourir, on lui donne de la drogue. T'sais? Bon, pour qu'il reste en vie, pour qu'il supporte. Bon, alors, il y a tellement de choses, ça c'est relié à l'inconscience, à l'ignorance de l'homme, mais c'est pas la faute de l'humain. L'humain, présentement, est dans une phase de mutation vers l'homme nouveau, où il aura accès à un savoir instantané, c'est-à-dire que lorsque le médecin aura le patient devant lui, il saura. Il saura sûr, sans culpabilité, il saura. Pas scientifiquement, pas théologiquement, humainement, il saura que ce gars-là, il est lucide, il est conscient. Merde, regardez les yeux. Bon, il veut mourir. Tu le sais. Parfait, tu le tues. Et c'est tout à fait convenable. Mais lorsque le gars est conscient et qu'il veut mourir, puis que tu lui dis non, parce que tu te sens coupable, parce que tu peux te projeter dans sa mort, parce que tu souffres de voir la mort, parce que tu ne connais pas le domaine de l'outre-vie, parce qu'un paquet de... Mais c'est l'autre qui paye pour. Oui, mais surtout aussi parce que notre perception est tellement colorée par notre propre vision qu'on n'arrive pas à discerner, voir si vraiment la personne est véritablement saine d'esprit ou pas. Exactement. Pourquoi on ne peut pas savoir si la personne est saine d'esprit? Parce que premièrement, nous, saine d'esprit, on ne veut pas mourir. Alors évidemment, on projette un écran en avant, puis quand on regarde l'autre qui veut mourir, ben, ce qu'il nous dit est coloré par nous-mêmes. Moi, étant normal, intelligent, ne voulant pas mourir, si lui veut mourir, c'est qu'il n'est pas normal et pas intelligent. C'est le phénomène que l'humain fonctionne. Alors, ce qui va arriver, c'est que dans le plan morantiel, cet âme-là va essayer de manipuler et te manipuler toi, donc par ton âme, par le contact au niveau du plan astral, de façon à ce que tu arrives à souffrir ce que la frustration que l'autre souffre. Et à un moment donné, tu souffriras assez pour l'autre que là, tu daigneras bien vouloir le tuer. C'est ce qui arrive dans les hôpitaux. À un moment donné, il y a des infirmières qui en ont ras-le-bol. C'est évident, ils ne peuvent plus dormir, ils sont manipulés. Puis à un moment donné, ben là, ils souffrent tellement la vie de ces personnes qu'ils vont mettre fin à leur jour. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre toujours au niveau de la mort, c'est que quand une personne meurt, elle quitte le plan matériel, elle va dans un plan morantiel où on a la possibilité de la réanimer, où elle a aussi la possibilité d'abandonner son périsprit pour pouvoir gagner le plan du monde de la mort. Chaque fois qu'un être humain et conserve une mémoire, un talisman, une photo, n'importe quoi de puissant dans le plan de la matière, après la mort de la personne, et qu'il énergise cette chose, automatiquement, il crée un lien entre le lambe dans le plan moranciel et le plan de la vie. Et je répète que ces deux mondes parallèles sont intimement liés, ce qui fait que tu n'as juste pas de corps physique, mais tu restes tout ce qui était dans le corps physique. Alors évidemment, tu nuis au plan de la mort. Le Nazaréen avait déjà dit aux vivants de laisser les morts enterrer les morts. C'est sûr qu'un mort, c'est bien mal fait pour enterrer un mort, là. Bon, mais on parlait évidemment imagé, parce qu'un mort qui peut tenir une pelle, hein, bon. OK. Ils comprennent la pause. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, le monde de la mort n'est pas un monde de l'horreur. Tout ce qui est relié à la matière dans le plan moranciel est extrêmement vibrant, et là aura lieu les cauchemars, là aura lieu différentes choses. Mais lorsqu'un être humain meurt, quelle que soit la circonstance de sa mort, qu'elle soit pathologique, qu'elle soit accidentelle, ou qu'elle soit, disons, ce qu'on appelle de sa belle mort, imaginez-vous le mot, qui est correct. Parce que c'est quoi mourir de sa belle mort? C'est mourir en paix. Alexandre le Grand, il n'est pas mort de sa belle mort. Quand il est mort, il a dit une chose: je meurs des soins de trop de médecins. Bon. Ça date de longtemps, ça. C'est le fils de Philippe de Macédoine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, ça date d'un bout de temps. Mourir de sa belle mort veut dire mourir en paix, donc sans être carrément dérangé par tout le monde. Tu meurs la nuit dans ton lit. Le matin, on s'en trouve mort. Oui, mais t'es déjà rendu ailleurs. T'as le beau broyer, on va faire n'importe quoi, on ne te retirera plus. Et la personne qu'on la trouve morte dans sa chambre, j'en ai rencontré plusieurs, parce qu'évidemment, il y a des personnes qui refusent tellement la mort qu'ils ne peuvent pas l'expérimenter. Tu sais, quand tu trouves quelqu'un dans un lit qui est un peu froid, qui est un petit peu rigide et qui ne réagit pas, normalement, il ne dort pas. Alors, il y a des personnes qui, à un moment donné, faisaient appel à Urgence Santé après 8 heures de découverte de la personne, pensant qu'elle dormait d'un sommeil dur. C'était vrai, mais plus qu'eux autres pensaient. Et lorsqu'on arrivait sur les lieux, ben alors ils nous demandaient si elle était morte. Ben, c'était oui. Mais la personne a toujours, si on regarde l'onde de forme de son corps, effectivement, elle est morte en paix. Elle a-tu l'air malheureuse, la personne? Elle n'a pas l'air malheureuse, la personne a l'air très, très bien. Pourquoi? Parce qu'elle est morte, personne ne le sut, ce qui fait qu'il n'y a eu aucun problème. Tandis que si elle meurt dans un hôpital, par exemple, et tout le monde est dehors en train de pleurer, évidemment, la personne meurt et puis il y a des complications. La mort d'une personne, c'est une chose normale. C'est l'avancement génétique. Ça permet de laisser la place. Ça permet aussi de libérer un âme qui va libérer un esprit qui pourra à un moment donné finaliser un travail, soit revenir au niveau planétaire ou soit, enfin, selon les croyances de chacun, mais qui pourra finaliser un travail. Le corps physique, lorsqu'il devient de moins en moins fonctionnel, doit être abandonné à un moment donné, c'est tout à fait normal, parce que l'âme de l'homme, ce n'est pas du corps physique. Il vit dedans, il l'emploie. S'identifiant à celui-ci, il ne veut plus le perdre. Mais ça, c'est une mécanicité qu'il faudra finir par comprendre et par abandonner. La personne qui est, par exemple, la personne qui se dit âgée, parce qu'une personne âgée, c'est entre 800 et 1000 ans, mais pas, la personne qui se dit âgée, ou celle que l'on traite d'âgée, donc qui l'accepte en même temps, est une personne qui, dans sa tête, s'en va lentement vers le monde de la mort, vers le ciel. Elle en a peur, pourquoi? Parce que, premièrement, elle ignore le neuf, elle ne vit que dans ses mémoires, et plus elle se rapproche du monde de la mort, plus elle refoule et elle revit dans ses mémoires, donc elle refuse de vivre le neuf, et la mort est une nouvelle expérience qui devrait ne pas être refusée, mais qui devrait plutôt être correcte. On meurt en paix, on meurt joyeusement, de toute façon on meurt. Alors, tant qu'à mourir, autant mourir en rien que mourir en criant. Qu'est-ce qui fait que finalement, lorsque l'on dit... On est, puis on commence déjà à mourir. C'est la vérité de l'ego de l'homme. Tu nais, donc tu commences déjà à renaître, parce que c'est ça mourir, c'est renaître. Mais non, ça c'est le pessimisme de l'humain. À 2 ans, l'enfant, il se fout de tout. À 18 ans, l'enfant, il veut tout. Puis à 68 ans, ben, il commence encore à se foutre de tout. Bon, pourquoi? Parce que pendant un laps de temps, vu sa jeunesse, lui fait croire qu'il échappe au monde de la mort. Mais à un moment donné, la personne se rend compte qu'elle perd des privilèges physiques, ce qu'on appelle le vieillissement, et là, elle recommence à y penser, surtout que ses amis immortels de l'époque commencent à partir l'un après l'autre. Alors, évidemment, elle se dit, un jour, ce sera mon tour. Bon. Sauf que la personne qui comprend le phénomène, moi, un jour, ça va être mon tour, physiquement. Et puis, je m'en fous. Puis ça sera pas nécessairement ce que vous appelez vieux. Oh, je vais vivre longtemps, mais je vivrai pas vieux. Bon. lorsque l'être humain se rapproche de ce phénomène de la mort, c'est un sommeil. C'est pas un sommeil. C'est pas un long sommeil. Non, non, t'es conscient. Tu t'endors pas, puis tu sais plus rien. Tu restes conscient. Tu pénètres le plan morentiel en quittant ton corps physique. Il n'y a plus de souffrance, sauf la frustration de ne plus être capable d'agir par le biais de la matière. Alors donc, ceux qui meurent, laissez-les partir. Et ceux qui sont morts dernièrement dans vos familles, alors laissez-les en paix. C'est-à-dire, ne communiquez pas avec eux. Parce que premièrement, vous allez rencontrer une mémoire d'eux, une mémoire qui peut vous manipuler, vous charrier d'une façon incroyable. Et deuxièmement, si la mort est relativement, disons, récente, ça nuit simplement à la déconnexion de l'âme du plan de la mort. Il n'y a pas une âme humaine ayant expérimenté la matière comme vous l'avez faite, qui, lorsqu'elle perd le corps physique, dit « Youpi !» puis qui se dirige ailleurs. Il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait une attraction, et l'attraction, elle est amique, donc elle vient du plan de l'astral, donc du monde de la mort. Cette attraction, cette lumière, vu qu'elle n'est pas limitée par le plan matériel, elle est au-delà du plan photonique, c'est-à-dire que la lumière blanche que nous avons, elle est de deux ordres. Elle est corpusculaire, c'est-à-dire qu'il y a des photons qui sont un amalgame de matière, disons préatomique, et on a la vibration. Le monde de la mort n'est pas constitué de photons, donc n'est pas constitué de corpuscules, c'est-à-dire qu'il n'est pas matériel, il n'est que vibratoire. Lorsque la personne pénètre le monde de la mort, elle n'a plus de consistance matérielle, elle est de la vibration. Lorsque nous retenons un individu dans le plan morontiel, nous l'obligeons vibratoirement son âme à vivre une expérience sans corps physique dans un monde corpusculaire, donc dans un monde matériel. Cet humain va donc vouloir regagner la vie. Il ne peut pas. Il voudra posséder quelqu'un, posséder un animal, mais ça ne fonctionne pas. Alors, il faut simplement les laisser en paix. Alors, la meilleure chose, évidemment, est de ne pas exposer une personne qui meurt. Pourquoi? Parce que c'est mutatiquement mieux pour elle. Alors, ceux qui les ont exposés, ben oui, c'est pas grave, on les a retenus 3, 4, 5 jours, 2, 3, 4, 5 semaines, puis maintenant, ils partent. Bon, OK, ça va. On devrait pas les exposer. Pourquoi? La simple raison que le vivant doit se tourner vers le vivant matériel. Tandis que le vivant immatériel, ce qu'on appelle le mort dans notre ignorance, le vivant immatériel doit se retourner vers son monde, là où il n'y a pas de matière. Ça ne sert à rien à un âme immatériel de vouloir se plugger dans un monde matériel. Il faut que l'esprit et qu'un corps physique réceptacle l'attire. Mais sinon, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'on meurt en son temps? Toujours? Habituellement, on meurt quand on meurt. Donc, on meurt dans son temps. Bon, ça marche assez bien habituellement. Quand la mort te frappe, t'es nouveau vivant. C'est après que ça se corse. Bon. Est-ce qu'il y a une prédestinée? Est-ce qu'il y a à un moment donné, est-ce qu'un astrologue peut vous prédire l'heure exacte et la date exacte de votre disparition matérielle? Non. Il faudrait un ordinateur d'une puissance incommensurable, gros comme la planète Terre, pour arriver à pouvoir calculer toutes les conséquentialités de probabilité de tout ce qui arrive au niveau de l'homme. Puis encore là, on ne pourrait pas prévoir l'heure de la mort parce qu'il y a des nouveaux arrivants, des enfants qui naissent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on meurt, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on meurt? On meurt premièrement parce que le corps physique s'altère tout au long de la vie de l'âme dans le corps physique, parce que l'âme a besoin d'énergie vitale pour pouvoir paramétrer sa mémoire, donc son ego. Cette énergie vitale, il est le constituant mémoriel de ton corps physique. Vu que l'âme ramasse de l'expérience, parce que présentement, l'homme est un être humain expérientiel, c'est-à-dire qu'il ne connaît les choses que s'il les expérimente, pour conserver dans sa mémoire cette expérience, qui est une mémoire premièrement chimique, reliée au niveau, disons, du cervelet de l'hippocampe, et qui par la suite devient atomique, et par la suite devient vibratoire, donc au niveau de l'âme. Et pour pouvoir gonfler continuellement sa sphère d'expérience, il a besoin d'énergie vitale. Cette énergie vitale, lorsque la sphère gonfle, disons, diminue, alors il va en puiser dans le corps physique, ce qui va évidemment altérer le corps physique à la longue, donc obligeant la mémoire des cellules physique à lentement perdre de l'énergie vitale, donc perte de cette mémoire, ce qui entraîne le vieillissement. J'ai déjà dit qu'Alexis Carrel avait fait une expérience intéressante sur une partie d'un cœur de poulet qu'il avait placé dans des conditions, disons, de vie. Et ce cœur de poulet, le poulet ne vit que quelques années. Et quelques 30 ans après, le cœur de poulet, la partie était toujours bien vivante. Donc, s'il n'y a pas d'âme, même pétrifiée, parce que les animaux n'ont pas une âme comme l'homme, les animaux n'ont pas une âme évolutive. On pense souvent que le minéral évolue, on ne sait comment, par dynamitage peut-être, et là, il devient une plante. Et la plante, à force de se faire brouter, devient un animal. Et l'animal, je ne sais comment, devient un être humain. Non, ça, c'est une évolution qui ne se fait pas. Les animaux restent au stade animal et l'homme est au-delà de ça. Il y a l'évolution darwinienne, disons, qui traite des animaux et des plantes, mais l'évolution améliorative de l'homme, c'est une autre chose. Le plan vital lui-même va, donc ce cœur de poulet après 30 ans est toujours vivant. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale n'ayant pas été sucée, donc têtée par aucune forme d'amification, donc de désir ou de mémoire, l'animal acquiert de la mémoire, cette mémoire prend donc de l'énergie, automatiquement le corps de l'animal va lentement vieillir et mourir. L'homme a beaucoup plus d'énergie vitale que l'animal, sauf que l'homme a une maudite âme drôlement plus grosse que l'animal, c'est-à-dire que l'homme a la faculté de mémoriser d'une façon incommensurable, et automatiquement il a besoin d'énergie vitale. Premièrement, cette énergie vitale, il va la prendre là où il la capte. Donc, il va normalement créer des maladies. Plus sa mémoire va, plus il a de la personnalité, plus il acquiert des connaissances. Il va créer une maladie au niveau du système digestif et par la suite au niveau du système respiratoire et par la suite au niveau du système cardiaque, là où la majorité des énergies yin et yang vont être assimilées par la respiration, par le système digestif ou par la pompe qui, évidemment, en prend énormément. Le cerveau en prend aussi, sauf que le cerveau, on le préserve. Et l'être humain va donc vieillir par ces parties-là. Il va donc faire vieillir son corps à la longue et opérer des maladies à l'intérieur du corps. Maintenant, une chose donc importante, vous allez avoir des questions posées, ça va être parfait. On va pouvoir donc clarifier un peu plus par rapport à ce que, disons, ce que vous voulez comprendre au niveau du phénomène de la mort. Si on se demande, l'âme, elle va où après? Parce que tu meurs, tu souffres pas, c'est beau, c'est trippant, c'est au bout, c'est parfait. Mais est-ce que je passe maintenant l'éternité à pas souffrir et à pas savoir quoi faire? Bon. Je vais où? Ça, c'est un phénomène assez intéressant. Bon. Les théologies parlent d'un monde où l'être humain de ce monde revient sur le plan terrestre. Toutes les théologies sont d'accord. La théologie, en passant, est du domaine de l'intuition, et l'intuition est la perception pure de la vibration d'une mécanicité, c'est-à-dire que l'intuition est la vibration pure, la connaissance d'une vibration pure, un savoir instantané, qui permet à quelqu'un qui n'a pas expérimenté, donc qui ne connaît pas une chose, de pouvoir le savoir. L'humain pense que c'est un contact, mais en fin de compte, disons que c'est un contact, mais c'est pas tout à fait ça. Et cette intuition, le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau de la théologie, l'intuition est exprimée émotivement. Ce qui altère et colore l'intuition, créant différents paliers de religion. La religion catholique romaine parle de la résurrection des morts. Donc, évidemment, elle parle donc d'un retour. Mais il y a un problème, c'est que le nombre de personnes mortes depuis le début de l'humanité est 4 à 5 fois plus pesant que le poids de la Terre lui-même, si on ramenait tous les corps. Alors, cela ne se peut pas parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Il faudrait qu'on détruise la Terre et qu'on ramasse Mars, disons qu'on ramasse Jupiter, c'est assez gros, pour pouvoir avoir suffisamment de matière pour recréer tous les corps des êtres humains qui ont vécu. Et mais là, on aurait plus de planète pour les mettre. Bon. Alors, la résurrection des morts, scientifiquement, cause un problème. À moins, évidemment, qu'on revienne tous dans des petits corps. Bon, mais c'est autre chose. J'ai assez de petits corps. Oui, le tien, oui. Les théologies, d'ailleurs la religion avec en parle, de la réincarnation, disons, directe, et on a déjà parlé en conférence ici du phénomène des 144 800 et quelques élus, qui un jour pourraient supporter le poids de l'humanité au niveau amique, ce que le Nazaréen a déjà fait à un moment donné au niveau de son esprit qui n'était plus réalisé dans différents corps. L'être humain a un rôle fondamental à jouer sur le plan de la planète. L'être humain est une condition physique qui est déconnecté du savoir instantané et il se dirige vers ce recontact, c'est ce que j'appelle moi l'homme nouveau, on peut appeler ça n'importe comment. L'être humain est déconnecté de ce savoir instantané pour la simple raison que l'esprit qui, à un moment donné, a été terrestrifié, ce qui vous a constitué vous, a créé un monde, l'âme, le monde de la mort, donc le ciel, qui reflétait d'une façon adaptée à l'humain la réalité cosmique. Donc, lorsque l'homme a des contacts avec le ciel, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, mais ça y ressemble. Et étant donné que l'être humain, pour daigner vouloir manger de la marde comme l'humain en a mangé sa planète, donc souffrir, il devait perdre la mémoire de sa provenance, parce qu'il n'y a pas une seule intelligence qui viendrait ici souffrir comme c'est là, puis non, il s'en retournerait au plus maudit.